Au départ, j'ai eu beaucoup de facilité parce que j'ai trouvé un producteur tout de suite qui a produit donc cette chanson. Et pour cet album aussi, j'ai eu pas mal de chance. Alors moi, je joue de tous les claviers et des percussions aussi, les chœurs et le chant. Donc. Ton corps m'enflamme, je brûle le désir. Si je m'abuse, je viole panique. Œil corrosif, baiser toxique. Métamorphose, docteur Jekyll. Radio sex appeal, qui est fait-il? Son chant m'élise, mes idées m'assènent. Les jeunes m'ont accompli, excite le tout petit. Radio sex appeal, qui est fait-il? Démon du fils, elle m'en sortelle. Avec ses élixirs, excite le Docteur Schweitzer, j'explose. Délire, camp de velours et parésie. Travestissement, docteur Jekyll. Radio sex appeal, qui est sexy. Son chant m'aiguise, mes idées malsaines. Échelle mon appétit, excite le tout. Yes, sir.